flagrance de mon errance. La sombre raison des sons de la maison donne des frissons, des pas de souris qui dansent et la patte vieux sourire qui me hante. Pourquoi tu pars ce soir ?